Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Adrien Pris. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui seront les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette année encore, le podcast 2030 Glorieuses, il est soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne que vous commencez par bien connaître et qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat en or qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme Adrien. Aujourd'hui, on va voyager ensemble en 2030 Glorieuses. Adrien, toi, tu es directeur général de Moi, Moche et Bon. C'est une marque anti-gaspi de jus de fruits naturels, 100% made in France et composé d'écarts de tri. Plein de choses qu'on a dit déjà sur lesquelles on va revenir. Ensemble, nous discuterons donc forcément de gaspillage alimentaire, de fierté d'appartenir à un territoire et de la place des jeunes dans le changement de nos modes de vie. La première question que je te pose, Adrien, imagine, tu es dans un événement où il y a plein de gens autour de toi que tu connais pas. Tout d'un coup, tu te mets à parler avec un de ces ou une de ces inconnus et arrive la question fatidique « Et toi ?» Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Effectivement, moi je suis un des trois associés de Moi Moche et Bon. Donc Moi Moche et Bon, c'est une société coopérative aussi. On aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur ce format juridique qui est très intéressant. Et donc, comme tu l'as dit, nous, notre objet premier, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça passe par quelque chose d'assez simple. On a une activité assez simple, en fait. C'est de se dire, voilà, au moment des récoltes, il y a le calibrage alimentaire qui fait que 10 à 15% des fruits et des légumes qui sont récoltés sont, entre guillemets, refusés par les grandes surfaces, par les grossistes, etc. Parce qu'ils sont trop petits, trop gros, déformés, qui présentent une petite imperfection. Pour autant, ce sont des produits qui sont parfaitement comestibles, de très bonne qualité. Et donc nous, on les rachète aux producteurs. Je t'arrête, attends, Adrien, tu vas trop vite là. Parce que du coup, moi je te lance sur Moi Moche et Bon, on est d'accord. Rappelle-toi la question, c'est de se dire, imagine, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu lui parles tout de suite de calibrage et de... Hein, tu vois ? Non, ma question c'est, comment tu te présentes ? Et en fait, même, tu vois, moi, je suis tombé dans ce biais-là d'aller chercher sur LinkedIn et c'est très simple, la présentation d'Adrien Pris qui, face au monde professionnel, se présente comme directeur général. Directeur général, ça fait vachement bien sur le profil LinkedIn et pourtant, ça veut rien dire. Et donc, en fait, qu'est-ce que, si jamais, ça y est, tout de suite, je te cuisine un peu par rapport à ça, excuse-moi, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment tu pourrais te présenter? Est-ce que tu es un héros de l'anti-gaspi? Est-ce que tu es un ambassadeur de la variation des produits naturels et de leur acceptabilité? J'en sais rien, tu vois, je te le dis là comme ça me vient. Mais si tu devais encore une fois te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ces sujets-là, que tu n'as jamais rencontré, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu es directeur général d'une SIC, c'est ça que tu... Bon, très bien, ça marche. Et à la fois, ça manque du sel de ce qui fait vraiment ton quotidien, tu vois? Ouais, j'entends. Alors, comment je pourrais présenter ça? Bah, très concrètement, moi, j'essaye de donner un sens à mon activité professionnelle. Voilà, j'ai un parcours qui est le mien et qui a fait qu'à un moment, dans les rencontres que j'ai faites, je me suis retrouvé à être exposé à ces problématiques auxquelles on n'est pas forcément exposé dans son quotidien. Je pense que c'est important de dire que moi, j'ai pas inventé Moi Moche et Bon, j'ai rejoint l'activité en cours. Et donc, moi, c'était vraiment cet objectif-là, donner du sens à mon activité, donner du sens quelque part à ce que je pouvais faire au quotidien pour aussi avoir un rôle proactif dans la société. On est là aussi pour se projeter dans le futur. Bah, c'était forcément aussi d'avoir une activité qui est projetable, on va dire, dans le futur, duplicable aussi potentiellement. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour moi, d'avoir du sens quand je me lève le matin, de savoir pourquoi je fais les choses. Et puis au passage, alors tu le dis assez justement, derrière ce rôle de directeur général, enfin ça c'est un statut. Moi je me lève pas tous les matins en me disant ouais, génial, je suis directeur général. Déjà on est 3 associés, donc je veux dire voilà, il faut que statutairement il y ait un directeur général, mais l'objectif c'est qu'on avance ensemble. Et pour moi c'est vraiment juste un rôle, comment dire, de d'avoir un peu une vision stratégique, de se dire pas juste je fais un produit, mais pourquoi je le fais, comment je le fais, où est-ce que je veux l'amener, où est-ce qu'on veut l'amener d'ailleurs en tant qu'équipe. Et c'est vraiment ça quoi. Et donc si maintenant on doit rentrer dans la mécanique de Moi Moche et Bon avec justement ces fameux 15%, tu disais, d'écart de tri, voilà, raconte-moi vous comment vous les récupérez, raconte-moi comment vous les transformez en jus de fruits, et raconte-moi comment vous êtes dit, en plus au-delà d'une simple opportunité économique qui vous fait avoir accès à une matière première en fait potentiellement à bas coût, vous vous êtes dit tiens, en fait on va vraiment travailler à faire en sorte que c'est du sens sur le fond et sur la forme. Alors là aussi je pense que c'est important de dire que on n'a rien inventé. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, on le répète assez souvent, il y a quelque chose de l'ordre du bon sens derrière notre activité. C'est-à-dire que vous prenez par exemple des producteurs de pommes vraiment un petit peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire dans les campagnes, etc. Ça a toujours été une logique de prendre les pommes un peu moches, un peu déformées pour en faire du jus. Maintenant ça nécessite deux choses, ça nécessite un, qu'il y ait un outil de transformation, et deux, qu'il y ait des débouchés. Et donc finalement, on se rend compte de quoi ? Que ce sont des produits qui sont disponibles de manière assez marginale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment habiter dans les villages, être au contact du producteur. Là, on va trouver ce type de produit. Et ce que nous, on fait chez Moi Moche et Bon, c'est de se dire, finalement, quand on regarde les volumes du gaspillage alimentaire, il y a tellement de matières premières encore à aller chercher, il y a tellement encore de potentialités pour amener ces produits chez les gens, que finalement, nous, on crée une marque. Bon, voilà, Moi Moche et Bon, elle a mérite de pas trop se prendre au sérieux, et puis on essaye de s'attaquer au marché de la boisson en fait, en arrivant avec ce produit là et de diffuser au plus grand nombre. Donc ça veut dire typiquement travailler avec la grande distribution, travailler avec finalement tous les acteurs en place dans la filière agroalimentaire, qui est imparfaite, on pourra en parler, mais il faut travailler avec tous ces gens là et donc c'est ça en fait notre objectif, c'est on arrive avec une proposition qui est très simple, on essaye de diffuser ces produits quoi. J'ai lu que cette idée, et toi tu dis que tu as rejoint l'équipe qui avait déjà initié ce projet, j'ai vu que cette idée elle a émergé en école de commerce si je dis pas de bêtises, et donc moi j'imagine, parce que en fait pour tout te dire, à l'époque où je vivais à Strasbourg, puisque moi c'est bon, vous êtes en Alsace, on est en train de se parler à Strasbourg, j'avais mon colocataire, meilleur ami qui était à l'école de commerce de Strasbourg, je gravitais dans ce milieu là aussi. Alors le temps a passé depuis, hein. Il y a une bonne quinzaine d'années qui a coulé sous les ponts là, et à la fois j'imagine quand même qu'au moment où on propose un produit comme ça, une idée de projet comme ça, on doit vous regarder un peu bizarrement avec pas forcément les étoiles dans les yeux de cette scalabilité incroyable, pour utiliser un peu le vocabulaire tu vois, qu'on peut avoir dans ces milieux là. Raconte-moi quelles ont été les réactions si tu y étais à l'époque, et dis-moi maintenant quelle fierté d'avoir un modèle qui marche, hein, parce que si je dis pas de bêtises, sur le site internet, j'ai lu que depuis votre création en 2017, vous avez quand même transformé près de 300 000 kilos de fruits et légumes en jus de fruits. Donc c'est pas d'ailleurs, rien. D'ailleurs, on se rapproche même plutôt des 500 000. Ouais, tu là, vois, on l'a pas mis à jour. Petite mise à jour du site internet s'impose, alors, mais exactement. Tu fais bien de le dire. Exactement. Ouais. Alors oui, effectivement, c'était un projet étudiant à l'EM Strasbourg. Donc, ils avaient un bachelor, je crois que c'est un bachelor jeune entrepreneur. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre que l'idée a émergé. Et bon, moi, de fait, j'étais pas là. Mais contrairement à l'intuition que tu sembles avoir, je pense que la réception, elle a tout de suite été assez positive. Là où ça a été difficile, en fait, c'est vraiment au niveau du grand public d'avoir cette notion un peu de pédagogie sur qu'est-ce que c'est l'anti-gaspi. Parce que la problématique qu'on voit, et par contre, là, on observe une vraie évolution. Hein, depuis qu'on s'est lancé il y a 6 ans, les choses, elles ont changé. Mais il y a 6 ans, on disait anti-gaspi, dans la tête des gens, il y a une poubelle qui apparaît. Voilà. Alors que l'anti-gaspi, c'est pas forcément ça. D'ailleurs, le gaspillage alimentaire, il prend de multiples formes qui d'ailleurs vont survenir à tout tous les moments, à tous. Oui, c'est ça. Les... Si on doit les lister, c'est dès le chant, et là, vous, vous intervenez là-dedans après, au moment du tri, mais il y a aussi le transport, la transformation, le stockage, et puis ensuite, la vente, l'achat, et potentiellement ensuite, derrière, la transformation et le stockage chez les individus. Mais c'est vrai que souvent, en général, on parle d'anti-gaspi en disant, vous, les consommateurs, en fait, vous jetez même des produits que vous n'avez jamais sortis de leur emballage, alors qu'en fait, le gaspillage alimentaire, comme tu le dis, il intervient sur toute la chaîne. Il intervient sur toute la chaîne. Et en plus, et c'est aussi pour ça, hein, on insiste beaucoup sur cette notion de juste rémunération. Tu disais oui, vous allez les toucher à bas coût, etc. Évidemment, on va les toucher un peu moins cher. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de se dire tiens, on va toucher une matière première imparfaite que de toute façon, personne ne va voir parce qu'on va la transformer, on va la payer moins cher. Non, il y a aussi cette notion de juste rémunération du producteur. C'est-à-dire que le producteur, il a investi autant de temps, d'énergie, de main-d'œuvre, de machines pour travailler l'ensemble de sa récolte. Et les 10-15% qui sont un peu déformés, un peu trop petits, un peu trop gros, bah finalement, ils ont fait l'objet du même investissement. Donc, ils ont une valeur intrinsèque. Je pense qu'on va, on va beaucoup parler de valeur, peut-être, parce que je pense que c'est une notion qui est très, très importante, notamment dans la projection vers demain. Mais voilà, il y a eu une réception globalement quand même très favorable dès le départ. Et il faut aussi le dire, il faut rendre à César ce qui est à César, même au niveau des distributeurs et de certaines chaînes de supermarchés, ils ont eu, alors peut-être que eux, c'était une intuition un peu commerciale, mais ils ont ouvert la porte. Voilà, ils ont ouvert la porte, donc on a pu commercialiser assez rapidement finalement. D'abord, une référence qui était le jus de pomme. C'est logique, on a beaucoup de pommes en Alsace. Et puis ensuite, petit à petit, on a développé la gamme. Donc voilà, une réception quand même plutôt favorable au début. Ensuite, il y a vraiment ce côté projet local aussi qui est très, très important. Tu disais Strasbourg, bah oui, nous, on a un ancrage qui est hyper local, déjà dans notre approvisionnement, puisque bah, 90% de légumes et des fruits qu'on achète, on les achète en Alsace, à part les agrumes qu'on va chercher en Corse. Mais donc, il y a vraiment cette notion de chercher à côté de nous ce qu'il y a. Et après, pareil, sur la distribution, 90% aujourd'hui de la distribution, elle est en Alsace. Donc, on est vraiment une entreprise locale qui est active localement. Ça ne veut pas dire que notre objectif, ce n'est pas d'étendre un petit peu ça aussi. Ouais. Mais il y a vraiment cet ancrage. Ouais. Et donc, tu parlais de valeur. Et donc, on redonne de la valeur à des produits qui, en fait, sur leur forme, apparaîtraient moins dans les considérations, les cases, rentreraient en tout cas moins dans ces cases-là de notre société classique où on imagine la belle pomme brillante et parfaite. Super. Et vous n'êtes pas arrêté là, parce que quand on va découvrir les produits que vous proposez, vous avez une démarche qui en plus met en avant des bouteilles qui sont recyclées, on a des transports qui sont, j'ai l'impression, aussi optimisés. Tu peux nous raconter comment vous avez essayé de redonner des valeurs à tout votre processus de transformation, à cette fierté du local et à tout ce qui va avec, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, nous, on essaye de faire au mieux. Et je pense que c'est important, cette notion d'essayer, parce que c'est pas toujours possible. Et c'est là aussi où il y a tout un tas de problèmes structurels que nous, tout seuls, on peut pas régler. Tu parlais par exemple du verre. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de revenir un petit peu, c'est le mouvement de la consigne. Là aussi, ça revient, c'est-à-dire que c'est des choses qui étaient en place, qu'on a, on a démantelé finalement des filières. Et donc nous, aujourd'hui, on essaye de s'inscrire dans un cercle le plus vertueux possible à chaque, comment dire, étape de notre activité. Donc, typiquement, c'est d'essayer d'acheter du verre et du carton localement, effectivement sur des produits recyclés. Sur les transports, les transports, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que les transporteurs, il faut qu'ils aient eux-mêmes investi, j'en sais rien, par exemple dans des camions électriques ou des choses comme ça. Donc, c'est pas encore forcément toujours le cas. Mais il y a cette notion d'effort. En fait, on va essayer de faire les choses au maximum. Et il y a aussi, et je pense que c'est très important, cette notion de transparence. Je pense que c'est bien aussi de dire les choses qu'on fait qui sont bien et aussi de dire les choses qu'on fait qui ne sont pas encore optimales. Voilà, on ne peut pas toujours être parfait, en fait. C'est ça le problème. Et je ne sais pas si c'est un problème, c'est un état de fait, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas être parfait sur tout. Par contre, il faut tendre vers. Et plus il y a des gens qui vont tendre vers, plus ça va arriver. Typiquement, je prends l'exemple des transporteurs dont je parlais. Plus ils vont avoir de clients qui vont leur dire, écoutez, moi, je veux bien travailler avec vous, mais par contre, qu'est-ce que vous faites pour que vos transports soient le plus décarbonés possible, etc. Plus eux-mêmes, ils vont se poser la question. Et là, je fais un petit pont, hein. Je fonctionne un peu comme ça, je suis désolé, mais c'est pareil avec les consommateurs, en fait. Plus le consommateur va être conscient, va être conscientisé, on va dire, et va avoir des attentes élevées sur les produits qu'il veut consommer, bah, plus forcément, les producteurs dont on fait partie auront intérêt à aller chercher cette qualité, cette transparence, ces choses-là. Et pour parler de la transformation, puisque c'est vraiment un gros point d'actualité chez nous, le modèle chez Moi Moche et Bon, jusqu'à maintenant, ça a été de s'appuyer sur de la sous-traitance pour la production. Et là, en fait, on est en train d'installer notre propre atelier de transformation. On va l'installer à Strasbourg et on va l'installer aux mines de Strasbourg. Donc le mine, c'est le marché d'intérêt national. C'est vraiment un modèle franco-français dans toutes les grandes villes et notamment à Paris où il y a le grand mine de Rungis. C'est là que transitent 80-90% des fruits et légumes qui sont consommés. Donc en fait, on va aussi s'installer au plus proche des grossistes, au plus proche de l'endroit où arrivent les fruits et les légumes, pour pouvoir travailler en synergie en fait, avec les acteurs. Et là, pour le coup, on réduit par exemple le transport en étant juste à côté. Donc ça passe aussi par des petites choses comme ça. Et par exemple, dans les équipements qu'on va acheter, mais en fait, on rachète de l'équipement d'occasion. On fait de l'anti-gaspi jusqu'au bout, surtout dans un contexte là, actuel qui est très tendu. Pourquoi aller chercher des nouvelles cuves? Pourquoi aller chercher des choses? Alors qu'en fait, si on prend le temps et qu'on discute, bah on se rend compte qu'il y a du matériel qui est disponible et que là aussi, il y a des synergies à aller chercher. Vous mettez beaucoup en avant sur Internet le fait que vous êtes alsacien. Est-ce que c'est une stratégie marketing parce qu'il y a cette fierté de l'Alsace et du consommé alsacien, ou est-ce que c'est aussi une notion d'humilité, d'ancrage, de fierté d'appartenir à un territoire ? Je pense que ça commence avec l'ancrage et la fierté, et ensuite c'est un argument marketing. C'est un argument marketing, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Alsace, pas tout le monde, hein, mais on est un peu chauvin, on est fier de ce qu'on fait, on fait aussi des très belles choses, hein, pas juste Moi Moche et Bon. Et donc oui, comme je le disais, on s'adresse à un marché qui est assez local, on s'adresse aux Strasbourgeois, on leur montre qu'on fait des choses ici. Donc oui, c'est important de le mettre en avant, Et puis il y a aussi cette notion, et ça c'est très positif, parce que voilà, dans le marketing, il y a aussi... des conséquences de dynamiques qui sont à l'œuvre. Et une des dynamiques que je trouve positive, c'est l'attente des gens de consommer de plus en plus localement. Donc en fait, c'est un indicateur. Voilà, c'est on met le bretzel de Made in Alsace, c'est pour que le consommateur, il sache tout de suite, voilà, ça a été produit près de chez moi. On revient à cette idée des trois jeunes qui sont dans leur école et qui proposent ce projet, parce que c'était la dernière chose que je voulais évoquer avec toi. J'ai l'impression qu'on a beaucoup laissé sur la jeunesse la responsabilité de devoir transformer notre monde. Est-ce que vous l'aviez ressenti comme ça à l'époque ? Est-ce que, au contraire, c'était vraiment cette envie dès le début, et là on le voit encore, parce que tu le disais, ça fait presque 6 ans maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui bifurquent alors que même ils n'ont même pas terminé leurs études, et que vous aviez envie comme ça d'affirmer ces valeurs pour pas avoir à bifurquer. Comment c'est venu cette envie de se mettre au service des 2030 Glorieuses? Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était inconscient? Est-ce que c'est un hasard qui fait bien les choses? Et j'avais envie de terminer par aussi revaloriser la place de cette jeunesse dans, en fait, moi je m'en rends compte, mais c'est pas tout le temps que je le dis, et je pense que je dois faire plus cet effort-là, valoriser à quel point souvent les projets que je présente, ils appartiennent à cette jeunesse qui le fait de manière tellement ambitieuse, tellement rayonnante que ça vaut le coup d'être dit. Alors c'est hyper intéressant. En plus, on est dans une période où les choses évoluent tellement vite que même la notion de jeunesse, elle est toute relative. Tu vois, par exemple, moi j'ai passé la trentaine, je vois les jeunes qui ont 20-22 ans aujourd'hui, ils sont conscients de certaines choses dont nous, on n'était pas conscients, alors qu'on était déjà de plus en plus conscients. Et il y a un exemple très simple, tu vois, par exemple, nous, quand on était au collège ou au lycée, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, tu ne pouvais pas finalement allumer ton téléphone et être bombardé d'informations, parfois des belles informations, parfois des informations anxiogènes, mais qui font que tu le veuilles ou non, t'as 17-18 ans, t'allumes ton téléphone, tu vois que la planète brûle, entre guillemets, qu'il y a des problématiques de partout. Donc, évidemment, je pense qu'il y a aussi une espèce de réaction, et on dit souvent que c'est un petit peu... que c'est un peu le monopole de la jeunesse d'être révolté, d'être en rébellion, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi, dans la jeunesse, un regard un petit peu, comment dire, pas naïf, mais un peu candide sur certaines choses. C'est-à-dire qu'en avançant, en ayant de l'expérience, on relativise beaucoup de choses. C'est ce qui fait un peu ce cliché où on se dit, les jeunes, ils ont 20 ans, ils sont super motivés, et puis après, ils ont 35 ans, ils roulent dans une bagnole, ils font leur boulot, et puis finalement, leur rébellion, elle est passée. Et nous, par exemple, par cette action-là, qui s'inscrit, comme tu l'as dit, tout doucement dans la durée, bah en fait, on fait durer cette rébellion. C'est-à-dire qu'on essaye de pérenniser cet acte un petit peu de se dire bah, on peut faire les choses différemment. Et là, je vais parler de manière très personnelle, moins pour mes associés que pour moi, pour répondre à ta question. Moi, ça me paraît évident que plus je vais avancer dans ma vie professionnelle, plus j'aurai à cœur de m'engager. Et au fur et à mesure que bah, on monte en compétences, qu'on apprend des choses, qu'on élargit son réseau, bah, je pense qu'on a une espèce de responsabilité aussi de mettre ses compétences, de mettre ce réseau au service d'un message ou d'une conviction, quoi, quelque part. Et moi, j'aurais du mal à faire autrement. Je suis passé, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en montant une première entreprise dans les boissons. Ensuite, ça n'a pas marché pour de multiples raisons. Je suis allé dans le salariat. Et là, j'ai vraiment vécu ce que beaucoup, beaucoup de gens vivent aujourd'hui, à savoir un peu cette déconnexion entre qui j'étais, ce que je pensais, ce que je vivais au fond de moi et ce que je faisais 8-9 heures par jour. Et moi, j'avais vraiment besoin d'être aligné. C'est vraiment une notion d'alignement. Et je pense qu'on a tous ce besoin d'alignement. Voilà. Et à pratiquer cet alignement, il s'affirme, il devient, comme tu le dis, j'ai l'impression, essentiel, impossible à éviter. Et donc là, tes expériences et l'accumulation de tous ces apprentissages, elles te donnent encore plus envie de l'affirmer, cet alignement. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, moi, j'observe quelque chose, surtout en ce moment où on a des gros projets avec l'installation d'un atelier, etc. On sent qu'il y a une dynamique collective. C'est-à-dire qu'on sent qu'un projet comme Moi, Moche et Bon, il ne doit pas rester dans son coin. Ça ne doit pas juste être un projet entrepreneurial, une start-up, avec effectivement ces notions de scalabilité, etc. Non, il faut qu'on fasse collectif. Déjà, nous, notre activité, elle n'existe pas sans les producteurs auprès desquels on va s'approvisionner. Donc là, déjà, il y a cette notion où de toute façon, notre activité existe parce qu'on va s'appuyer sur ses producteurs. Et même plus largement, là, on est à côté du marché off, qui est vraiment un très bel exemple de ces dynamiques de collaboration. Là, on partage un stand avec une autre entreprise qui s'appelle Chambre Réelle. On avait déjà partagé un stand sur la foire européenne. Enfin, il y a vraiment des dynamiques comme ça qui se mettent en place, qui font qu'on ne se sent pas isolé. Qui font que quand nous on a une idée, il y a un rebond ailleurs, et l'inverse est vrai aussi. D'autres ont des idées et on se dit ah ouais, mais ça c'est une super idée, pourquoi on n'irait pas dans ce sens là aussi. Là j'aimerais bien parler aussi d'un autre projet qu'on a en cours qui est super, qui est la création d'une boutique sociale et solidaire sur le nouveau projet Kaléidoscope qui est au port du Rhin. Donc c'est vraiment la revitalisation d'un ancien quartier de Strasbourg, et donc là on est un groupement d'acteurs dont Moi Moche et Bon, mais il y a le Relais S, il y a Emma Hussier-Villère, il y a Vététique, il y a Vélo Station qui fait de la réparation de vélos, et tous ensemble en fait on est en train de constituer un groupement d'intérêt économique pour investir 500 mètres carrés d'espace commercial mais aussi d'animation. Et en fait on a des produits qui sont hyper différents les uns des autres, il y aura aussi des services, et finalement c'est comment on fait vivre un espace où se passent et sont présents des choses très très différentes, et que les gens finalement puissent réinventer un peu leur manière de consommer. Par exemple, il y a peut-être des gens qui vont venir pour chercher un jus, et en fait ils vont voir le stand Emmaüs et ils vont se dire ah mais c'est génial, et ils vont partir avec. Et puis au passage il y aura une association qui sera en train de faire une sensibilisation, et donc bah, ils seront venus pour acheter un truc, et finalement ils vont entendre des discours qu'ils n'auraient pas entendus par ailleurs. Et ça c'est hyper intéressant de mélanger un petit peu les genres comme ça. On parlera de la force du collectif et de la reconnaissance de nos interdépendances en 2030 Glorieuse, puisqu'on va bientôt aller voyager, là ça y est, en 2030 Glorieuse la fusée est presque prête. C'est le voyage le plus extraordinaire et en même temps le plus écologique que tu vas jamais vivre, Adrien, prépare-toi. Mais avant ça on va faire... Soit dit en passant, si je devais avoir un super pouvoir, ce serait voyager dans donc, le temps. Donc tu vois, on y est. C'est la possibilité d'expérimenter la puissance de ce pouvoir aujourd'hui en exclusivité. Et moi, ce serait voler quand même. Je reviens à ça là, mais si je devais avoir un super pouvoir, je crois que je préférerais voler dans les airs. Bon, on va pas réouvrir ce débat. C'est un débat impossible à terminer quoi qu'il arrive. Réfléchissez-y dans votre coin et vous commenterez si vous voulez derrière la publication de ce podcast, de cet épisode avec Adrien. Toujours est-il qu'Adrien, toi, tu viens me chahuter un peu parce qu'en général, je propose de marquer une coupure, une parenthèse, d'avoir une respiration entre les deux parties de ce podcast en ayant la lecture d'un passage, d'un roman qui inspire. Et toi, tu m'as dit, j'ai mieux, j'ai deux citations qui, moi, me semblent être parfaites pour incarner ces 2030 glorieuses. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de la citation commentée. Donc, je te propose que tu nous partages tour à tour ces deux citations et que tu nous expliques pourquoi, selon toi, elles incarnent ces 2030 glorieuses. On t'écoute, Adrien. Alors, j'ai choisi deux citations d'un auteur qui s'appelle Isaac Asimov, qu'on considère un petit peu comme le fondateur de la science-fiction moderne et notamment de la robotique. Même toutes ces règles autour de la robotique, c'est lui qui les a inventées, déjà au début du XXe siècle. Donc, pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui faisait des gros exercices de projection. Et donc, il a notamment une grande œuvre qui s'appelle Fondation, qui projette l'humanité dans plusieurs de dizaines de milliers d'années et sur plusieurs siècles. La première, donc dans ce cadre de fondation, c'est: on pourrait croire que l'Empire est éternel, et pourtant, monsieur le procureur, jusqu'au jour où la tempête le fend en deux, un tronc d'arbre pourri de l'intérieur vous semblera plus solide que jamais. Alors, je trouve cette citation très très intéressante parce que on est dans une période où, on en parlait, il y a des choses structurelles qui nous contraignent au quotidien, c'est-à-dire que l'exercice de notre liberté, elle est aussi faite de ces contraintes qu'il y a autour, et donc il y a beaucoup de choses dont on pense qu'elles sont un peu comme des règles immuables, presque des lois naturelles. Voilà, on se lève tous les jours, il faut prendre la voiture, il faut consommer, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on se dit on ne peut pas faire autrement. Et en fait, ce qui m'intéresse avec cette citation, c'est que on est dans une société où tout est tellement intégré, structuré, matérialisé, c'est ça aussi la consommation, qu'on a du mal à se dire que ça va s'arrêter à un moment. Et en fait, cette citation, elle dit quoi ? C'est que de l'extérieur, ça peut paraître solide, ça peut paraître tout beau, ça veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est pas en train de se casser, et ça veut pas dire que, comme il le dit, une tempête, un coup de vent, peut révéler finalement cette fissure intérieure. Et moi, je pense, avant de se projeter en 2030, qu'aujourd'hui, on a cette espèce de fissure qui existe, qui est vue et vécue par énormément de monde, mais qui n'est pas encore vu et vécu par tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui estiment finalement qu'on est dans quelque chose qui est immuable, qu'on n'arrivera pas à en sortir, que, par exemple, la loi du marché, c'est comme la gravité. Voilà. Ben non, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que non. Et là, j'en viens à ma deuxième citation d'Asimov, qui va vraiment exactement dans le sens, qui est de dire « Tous les ennuis que nous vaut la vie moderne sont dus à ce qu'il y a de divorce entre la nature et nous. » Et ça, c'est une citation que je trouve très très intéressante, parce que si on devait résumer, selon moi, hein, là c'est vraiment en toute modestie ce que j'en pense, mais si on devait résumer la problématique qu'on a aujourd'hui, du monde dans lequel on vit, c'est que finalement, il y a eu une décorrélation quasi totale entre l'activité des humains et la planète finalement, et les écosystèmes. C'est comme si on s'était créé un monde parallèle qu'on avait adossé à un monde qui existe déjà, qui est le monde du vivant, qui est le monde de la nature, mais finalement sans prendre en compte ces règles-là. Et donc, on est dans une société où nous tous, hein, moi aussi au quotidien, finalement j'agis comme si il y avait des règles immuables auxquelles je pouvais pas, dont je pouvais pas me dérober, alors même que les seules règles immuables auxquelles je peux pas me dérober, c'est la gravité, c'est justement le climat, c'est des choses comme ça, des choses qu'on contrôle pas en fait. Et donc, c'est de constater que la crise qu'on vit aujourd'hui, notamment écologique, c'est l'imposition par l'homme de son monde sur un monde existant qui n'a rien demandé. Et donc cette déconnexion de la nature, qui est en fait une déconnexion des vraies règles du jeu, les règles du jeu auxquelles on est tous soumis en tant qu'êtres vivants, et c'est vraiment ça pour moi qui va être une des clés, parce qu'il y en a beaucoup, mais une des clés pour aller vers des 2030 glorieuses, c'est de remettre cette notion de connexion en fait entre le monde des humains et la nature, et de faire en sorte que le monde des humains ne se construise pas à côté, dessus, au détriment de la nature, mais au contraire avec, à côté, en inspiration de. ce qui a d'ailleurs toujours été le cas. Je veux dire, cette rupture avec la nature, elle est entre guillemets récente. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, et d'ailleurs même certaines des plus belles inventions qu'on peut avoir aujourd'hui, elles viennent directement d'une inspiration de la nature, quoi. Enfin, un avion, ça reste quand même un oiseau, quoi, entre guillemets. Donc, il faut qu'on réussisse à remettre cette connexion-là au centre de ce qu'on fait, de nos activités. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et c'est un long travail, mais ça passe par énormément de choses. Et donc, c'est évidemment pas juste faire des jeux anti-gaspi, par exemple. Mais ça va y contribuer, parce qu'on va porter ce message, et puis d'autres à côté de nous vont porter ce message. Et à un moment, ben, ce message, il va être entendu quand même. Merci Adrien pour cet exercice que j'appréhendais, je t'avoue. Je me suis dit, tiens, comment on va réussir à partir dans un sens qui, en l'occurrence, nous amène vers les 2030 glorieuses, et à la fois, bravo pour ta capacité à faire en sorte que justement tu nous diriges avec douceur, mais aussi avec radicalité vers ces 2030 glorieuses, puisque ça y est, tu l'as peut-être pas senti, mais pendant tes élans philosophiques, on s'est déplacé, ça a légèrement bougé sous toi, et on est en 2030 glorieuses. Et en 2030 glorieuses, tu le disais en préambule, on a réussi à refaire preuve d'humilité pour se remettre parmi et au service du vivant, et arrêter de penser que l'être humain était au-dessus de tout. On a reconnu tout à l'heure, on le disait, nos interdépendances, on a redonné de la valeur à ce qui en avait vraiment. Le problème spatio-temporel, c'est que si nous, on a été doués de ce don de pouvoir se mouvoir en 2030 glorieuses, les personnes qui nous écoutent et qui sont à l'autre côté du fil, elles sont restées en 2022. Donc nous parlons de notre présent de la manière la plus détaillée, la plus colorée, la plus nuancée possible, pour arriver à faire en sorte que les gens qui nous écoutent, elles voient ce que nous voyons. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais on va essayer de s'y prêter pendant une vingtaine de minutes. Et donc on est dans ces 2030 glorieuses où tout n'est pas réglé, et à la fois on se rend compte qu'on va enfin dans la direction de la mise, comme je le disais, au service du vivant, et qu'on a pris en compte ces enjeux extraordinaires de notre 21e siècle pour essayer de les résoudre, au moins de les atténuer. À l'époque, en 2020, ton sujet, c'était le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose dont on ne parle même plus en 2030. Non, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, Moi Moche et Bon, sur son existence première, bah, n'existe plus. Puisqu'en fait, la mission, entre guillemets, qui n'est pas que la nôtre, mais qui est collectivement partagée, de limiter ce gaspillage, ce qui était quand même aussi du bon sens, hein, c'est-à-dire de juste produire suffisamment intelligemment, bah on y est arrivé. Et donc quelque part, bah, Moi Moche et Bon, dont l'objectif c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, n'a plus vocation à exister. On fait plein d'autres choses super maintenant, mais on lutte plus de la même manière contre le gaspillage alimentaire, et ça c'est vraiment quelque chose de très positif. Quelque chose d'autre de très positif qu'on a essayé, pas nous uniquement, mais beaucoup de personnes, et ce déjà bien avant les années 2020, de mettre en place. On parlait tout à l'heure de la valeur des choses. Bon, ben, nous, par exemple, chez Moi Moche et Bon, on avait fait le choix, il y a maintenant 15-20 ans donc, hein, de se constituer en société coopérative. Bon, il y avait évidemment la notion de coopérative et de collaboration derrière, mais il y avait aussi une autre notion, c'était la notion de la valeur, typiquement des actions, par exemple. Et donc, ben, aujourd'hui, et ça, c'est vraiment pour moi une des plus grandes réussites des années 2020 et maintenant des années 2030, ben, les entreprises ont décorrélé la valeur de leurs actions. Ben, finalement, un investisseur, par exemple, aujourd'hui, quand il rentre dans une entreprise, il n'y rentre pas pour faire x10, x100, x1000. Il y rentre parce qu'il y croit, parce qu'il veut financer quelque chose qui a du sens. Et on a retrouvé un équilibre, en fait, dans la répartition de la valeur. C'est-à-dire que maintenant, une entreprise, elle n'est pas là pour capitaliser. Elle est là pour produire une valeur plus juste. Elle est là pour rémunérer le travail, justement. Donc voilà, on ne rémunère plus le capital, on rémunère le travail. Et du travail, il y en a toujours. Voilà, il y a toujours du boulot. Et les gens continuent de consommer. Mais les gens consomment mieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on consommait avant de manière naturelle, sans se poser de questions, qu'on ne consomme plus aujourd'hui. Voilà, y a certains endroits, par exemple, on ne peut plus manger de bananes, voilà, parce qu'elles venaient de trop loin. Et puis, du coup, bah, on mange d'autres choses. Mais finalement, est-ce que c'était vraiment une perte? Est-ce que vraiment nos vies sont moins belles aujourd'hui en 2030 qu'en 2020 parce qu'on mange plus de bananes? Non, pas forcément, parce qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc, on consomme mieux, on répartit mieux la valeur et on a encore énormément de boulot. Mais en tout cas, au quotidien, c'est possible de se lever le matin et puis de se déplacer, de consommer, de se nourrir en ayant un impact qui est de plus en plus réduit sur notre environnement. Et donc ce coût, quasiment de conscience aussi qu'on avait dans les années 2020 où quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, quand on consommait, on avait l'impression de faire du mal, on l'a moins. Et donc on a une société un peu plus apaisée aussi. Parce qu'on a moins cette tension intérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Si on devait refaire l'historique de Moi Moche et Bon ces 10-15 dernières années, là, à l'époque, vous vendiez des jus de fruits issus des écarts de tri. Vous avez accéléré, vous êtes passé toujours à la transformation des produits qui allaient être jetés. Est-ce qu'on s'est lancé ensuite dans des compotes et dans des confitures? Comment ça a changé d'échelle? Est-ce que Moi Moche et Bon ont été adaptés, territorialisés dans plein d'autres région de France, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Moi Moche et Bon soit ce qu'elle est actuellement en 2030 Glorieuse? Ben justement, ce choix qu'on a fait au début des années 2020 de s'installer aux mines, de s'installer donc près des grossistes, de travailler en synergie, ben c'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits. C'est-à-dire qu'au départ, on avait juste les jus de fruits. Maintenant, il y a aussi des paniers anti-gaspi, par exemple. Donc tout ce qui est invendu à la fin d'un marché, par exemple, c'est récupéré et puis c'est distribué moins cher, du coup. Donc ça permet aussi à des personnes qui ont peut-être un peu moins d'argent d'avoir des fruits et des légumes frais, certes un petit peu plus déformés, ou quoi, mais de les avoir un petit peu moins chers. Effectivement, on a transformé d'autres produits. Nous qui sommes des transformateurs, on est aussi des producteurs de biodéchets. Voilà, quand vous pressez un fruit ou un légume, il y a le jus, mais ensuite tout le reste, ça devient un biodéchet, ce qu'on appelle la drèche. Bon, bah maintenant, 100% de notre drèche, elle est réutilisée. Donc ce qui a 15 ans était appelé un déchet, aujourd'hui c'est une matière première qui est revalorisée, avec laquelle on peut retravailler des choses. Voilà, on fait du cuir avec de la drèche de pomme, on fait plein de choses comme ça. Il y a vraiment cette notion de circularité et de ne pas perdre en fait de la matière, de l'énergie, de l'argent aussi, qui est devenu comme une sorte de règle en fait que maintenant tout le monde suit. Et donc ça, c'est très positif. En fait, Moi Moche et Bon était au début dans l'expérimentation et aujourd'hui dans le conseil, l'accompagnement sur les boucles les plus courtes de circularité. Ça s'applique à l'alimentation, mais en fait, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Ça pourrait aller plus loin dans la restauration. Ça pourrait aller... Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de limite, en fait. Non, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, déjà dans les années 2020, on n'était pas tout seul. Il y a d'autres acteurs, soit des entreprises comme nous, soit des associations aussi, qui luttent contre le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, on faisait déjà des choses avec elle à l'époque. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble des mines de France, par exemple, il y a de la transformation sur place. Donc, c'est-à-dire que maintenant, nous, on l'avait fait comme ça. Maintenant, c'est devenu systématique. Alors, c'est pas forcément des ateliers de transformation Moi Moche et Bon, mais ça, c'est pas grave. Mais du coup, d'autres aussi se sont dit, bah oui, la logique de transformer sur place et puis d'éviter d'avoir un transport long et puis de limiter le gaspillage, etc. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est rentré dans l'ADN quasiment de structures comme des marchés d'intérêt nationaux ou voilà quoi, c'est devenu normal. Il y a une quinzaine d'années en arrière, 10 ans en arrière, les consommateurs avaient compris, ils avaient montré cette étincelle de l'envie de consommer plus local, de réduire le gaspillage et en fait tendre vers plus de durabilité. Les entrepreneurs s'en saisissaient avec toutes les expérimentations dont vous avez été l'un des exemples probants. Quelle a été la suite? Est-ce que c'était les personnes qui étaient à l'origine de la production de ces produits qui, en fait, se sont révoltées et ont arrêté de jouer le jeu de la grande surconsommation? Est-ce que c'est le législatif et donc le législateur qui ont apporté un peu le coup fatal à la surconsommation et au gâchis généralisé de notre libéralisme? Qu'est-ce qui a déclenché l'avènement des 2030 Glorieuses dans nos paniers et dans notre respect du produit du vivant? En fait, ce sont les gens, très globalement. Et pourquoi je dis ça, je veux pas répondre à côté, mais en fait, à la question de savoir si c'était les consommateurs, les producteurs, donc les entreprises ou l'État, les trois en fait. C'est-à-dire que tout en même temps et tout à la fois, les consommateurs, tu l'as dit, se sont emparés de cette notion juste en entre guillemets tapant sur la table et en disant maintenant on veut consommer mieux et d'ailleurs on veut pouvoir consommer, c'est-à-dire on veut avoir aussi le pouvoir d'achat qui nous permet de le consommer. L'État a dit ça ne va pas du tout, on gâche beaucoup trop. Donc effectivement, l'État a légiféré et il l'avait déjà fait dans les années 2010-2020. Il y avait déjà des lois qui étaient sorties pour limiter le gaspillage alimentaire. Et enfin, les entreprises, évidemment, alors soit contraintes par la demande, soit parce que les entrepreneurs ou les administrateurs de ces entreprises en eux-mêmes ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, ont changé leur offre, ont changé leur manière de produire. Et donc, c'est vraiment l'ensemble des gens qui ont œuvré. Et encore une fois... tour à tour, tous, chaque jour, on a plusieurs casquettes, quoi. Enfin, on se lève le matin, on est à la fois citoyen, consommateur, potentiellement, on travaille dans une administration, potentiellement, on est dirigeant d'entreprise. Donc, en fait, on joue tous les trois rôles à la fois, à chaque moment. Et c'est ça, en fait, qui a fonctionné. C'est d'avoir un alignement, en fait, entre ce qu'on avait envie de consommer, la manière dont on produisait, et puis la manière dont on votait, par exemple. Et donc, lorsqu'on s'est tous alignés, eh ben, on y est arrivé. À quoi ça ressemble, Moche et Bon, en 2030 Glorieuse? Et au-delà de ça, toi, qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse? Est-ce que vous contribuez à, du coup, faire ce grand copier-coller de ces solutions anti-gaspi que vous développiez à l'époque et vous êtes devenu une sorte d'agence de référence, un conseiller territorial, un incubateur de solutions anti-gaspi et de circularité pour alimenter les boucles les plus courtes? Quelle direction ça a pris et toi, quel est ton rôle là-dedans? C'est une bonne question, ça. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Et je peux terminer avec ça, si ça peut t'aider. Jusqu'à quel point on s'est rendu compte aussi qu'en 2030 Glorieuse, il y avait tout un tas de solutions qui, à l'époque, éclairaient les possibles. Et à un moment, on s'est rendu compte, peu à peu, du fait qu'elle était de moins en moins nécessaire. Et donc, peut-être qu'un jour, vous avez avec fierté déclaré la mort de Moi, Moche et Bon, parce que, en fait, c'était plus nécessaire et que les 2030 Glorieuses appelaient à d'autres choses. Effectivement, on n'a plus la même vocation qu'on avait à l'époque, à savoir qu'il était enfin, y avait vraiment un côté, c'est pas pour rien qu'on utilisait le mot lutte contre le gaspillage alimentaire. Là, il y a moins cette notion de lutte puisque c'est devenu normal. Voilà. Après, nous, on a toujours eu à cœur, à côté du gaspillage alimentaire, de faire des bons produits, alors autant en goût qu'en qualité. Et donc ça, on a continué à le faire. Et ensuite, tu parlais de copier-coller. Là, tout ce qu'on se dit aujourd'hui, on est en 2030 et c'est vrai que chez nous en Europe, ça va beaucoup mieux et on en est très content. Mais c'est pas forcément encore le cas partout. Et on a toutes ces interdépendances dont tu parlais qui sont en fait planétaires. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, et on essaye de le faire mieux qu'on l'a fait notamment au XXe siècle, c'est d'apporter aussi aux autres pays, aux autres entrepreneurs, notre expérience, notre expertise, aussi les réflexes qu'on a pu avoir qui étaient les bon, encore une fois, à l'époque, on avait acheté les machines d'occasion. C'est dire quoi? C'est dire que un site industriel, par exemple, qui a fait des produits qui n'étaient pas top pendant quelques temps, ou pas hein, d'ailleurs, qui ferme, en fait, il y a du matériel. Donc, il faut aller le récupérer. Et donc, il y a vraiment cette notion de transmission. Et puis aussi, et ça, c'est un mouvement qui a commencé non pas avec l'alimentaire, mais plus avec l'informatique aussi, ce côté open source, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ce que nous, on a fait, on le garderait juste pour nous, on le monétariserait, par exemple. Non, il faut le diffuser. Il faut le diffuser. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, je pense. Si on commence l'atterrissage en douceur en 2022, Adrien, c'est toujours un moment un peu difficile, mais là, on vient de parler de plein de choses, de cette valeur retrouvée, de ces communs qui deviennent évidents, de cette humilité aussi hein, face à des pratiques qui, en fait, sont ancestrales et qu'on a simplement redéployées. Qu'est-ce que tu suggérerais aux personnes qui nous écoutent et qui se disent « Mais en fait, allez, on y va, les 2030 Glorieux, c'est tout de suite pour continuer à aller dans ce sens-là. » C'est quoi leur prochain pas? Déjà, y a quelque chose qui est important à dire. Je pense que rien n'est figé dans la roche. C'était aussi ça l'objet de la citation. Et en fait, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont le pouvoir en fait, de changer les choses. Donc déjà, ça peut passer par des choses très simples, mais juste s'informer. C'est-à-dire que quand on va acheter un produit, bah, regarder vraiment ce qu'il y a dedans, d'où viennent les choses, ne pas avoir peur de challenger aussi, d'interroger les producteurs, d'où viennent les choses, comment vous les avez faites. Et puis, petit à petit, de se rendre compte qu'en tant que citoyen, qu'en tant que consommateur, finalement, on influe sur les choses qui se passent autour de nous. Et que donc, même si on ne peut pas faire tous les choix du jour au lendemain, voilà, moi en 2020, j'ai aussi un téléphone portable. Enfin, il y a plein de choses que moi je fais au quotidien qui ne sont pas idéales. On avance tous avec nos dissonances. Mais déjà, il faut les identifier, il faut les accepter. Et ensuite, il faut faire le tri. Il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. Mais sur les choses que je contrôle, qui généralement me concernent moi, à savoir ce que j'achète, où je vais, comment j'y vais, etc., bah de commencer un peu à essayer d'aller dans un sens un petit peu plus vertueux. Et attention, je pense que c'est important de dire qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les gens et de faire porter à chaque individu tout seul l'entière responsabilité d'eux. Et en même temps, et c'est ce qui s'est passé dans les années 2030, c'est bien parce que tout le monde a joué le jeu, les entreprises, l'État ou les administrations, et puis les gens, qu'on y est arrivé. Puisque, encore une fois, tout ce monde des hommes, il est composé des hommes. Donc, à un moment, se dire que ça n'est pas possible, bah si, tout est possible. Si on a réussi à aller dans un sens, on peut aller dans un autre. C'est une question de décision, en fait. Et après, bah, on n'est pas tous égaux face à la capacité de prendre des décisions. Donc ça aussi, je pense que c'est important que les gens se disent « Bon ben bah voilà, moi je suis dans une situation où en fait il y a des choses que je pourrais faire et donc il faut que je les fasse. » Et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas dans des situations où ils peuvent agir. Et dans ce cas, bah, c'est vraiment de s'informer, typiquement d'aller voter. Il y a mille manières d'être actif et proactif pour changer les choses en fait. Et voilà, on a tous ce super pouvoir, en fait, d'aller vers les 2030 glorieuses et que ça se passe mieux. Et j'ai l'impression qu'avec Moi, Moche et Bon, ce que vous proposez, en fait, c'est que pour les faire advenir ces 2030 glorieuses, il y a aussi la question de comment changer de regard sur des choses qu'on a admises comme évidentes et normalisées et figées. Et donc, voilà, la question du gaspillage, la question de ce qui est bon ou pas, la question de ce qu'on doit jeter, de ce qu'on doit valoriser, de ce qu'on doit aussi suivre et espérer. En fait, on a tous le pouvoir de pouvoir se réapproprier ça et de continuer à le regarder comme ça ou pas. Bah oui, moi je pense qu'on l'a et je pense qu'il y a aussi une notion de temporalité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où tout va très vite, où tout est dans l'instantané. Et on a un petit peu perdu cette perspective du temps qui nous permettrait aussi, en tant que société, en tant que civilisation, voire même en tant qu'espèce, de se dire, mais en fait, on a un passé qui est quand même assez long, où il se sont passés énormément de choses. Moi, je pense souvent, j'aime bien cet exercice. C'est pour ça que je te disais le super pouvoir de voyager dans le temps. Je veux dire, l'humanité, c'est quoi? C'est 250 000 ans, on va dire. Et sur ces 250 000 ans, il y a 300 ans de civilisation moderne avec une destruction extrêmement rapide de notre environnement, mais il y a tous ces dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années avant, où on avait des modes de vie complètement différents, où on était potentiellement plus en harmonie à certaines périodes, sur certaines civilisations, avec nos environnements. Et en réalité, cette notion de projection dans le futur, si on veut avoir un futur, bah oui, il faut quand même s'interroger et se positionner par rapport aux générations qui viennent derrière. Ça peut pas juste être je me lève le matin, je fais ma vie et puis finalement ce qui vient après moi, peu importe quoi. Il y a quand même aussi cette notion de perspective temporelle aussi. Et moi je pense même que ça peut être source d'espoir parce qu'en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps on l'a. Là, c'est pareil, il y a tout ce discours de dire oui. Voilà, d'ici 2050, on va droit dans le mur, etc. Et oui, il y a peut-être des endroits où on va droit dans le mur. Il y a sûrement même des endroits où on est déjà dans le mur. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la fin de tout? Je pense pas. Et je pense même que c'est dangereux de réfléchir comme ça, parce que c'est vraiment la porte ouverte à l'inaction de se dire, en fait, de toute façon, c'est foutu. Ben non, pas du tout. Il y a encore tout qui est à faire, quoi. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus sur ce propos, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour comprendre les choses et pour se projeter collectivement qu'on en a eu aujourd'hui. Voilà, la mondialisation, c'est beaucoup de choses. négative entre guillemets de consommation, de production, etc. Mais c'est aussi une chose extrêmement positive, c'est le fait que pour la première fois on est tous dans le même bateau, quoi. Et à un moment, peut-être qu'on n'a pas exactement conscientisé ce truc-là collectivement, parce qu'on est encore, on est 2022 et 2020, c'est encore des périodes où il y a beaucoup de divisions. On aime bien s'imaginer chacun dans ses petites cliques, dans ses opinions, etc. Mais en fait, ça, c'est, ça reflète pas la réalité, en fait. Dans la réalité, toute action que je fais, tout ce que je porte, tout ce que je consomme, c'est directement lié à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est quelque chose, si on se reprojette là en 2030, il faut qu'on ait une prise de conscience par rapport à ça. Qu'en fait, on est tous dans le même bateau, quoi. Et que c'est un bateau fragile. Merci Adrien. De rien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !